L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Elisa Ekman, bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes chargée des relations presse et communication pour la Fédération des métiers d'art d'Alsace, la FREMA. Et les journées européennes des métiers d'art, elles vont se dérouler du 9 au 11 avril. Ces journées européennes des métiers d'art qui vont bientôt fêter leurs 20 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une belle opportunité pour les professionnels des métiers d'art de montrer leur savoir-faire au public directement dans leurs ateliers. Parce que c'est vrai qu'on les voit beaucoup dans des salons, des expositions. Là, c'est l'occasion de voir un petit peu comment ça se passe en coulisses, derrière, de voir comment sont agencés les ateliers, de faire des démonstrations pour voir justement découvrir leur travail de plus près. Et voilà, des visites guidées, parfois même des initiations pour certains. Et surtout aussi, le but de ces journées européennes des métiers d'art, c'est aussi peut-être de créer des vocations. C'est l'occasion pour des plus jeunes de pouvoir découvrir de nouveaux métiers, des métiers parfois rares, et de s'informer vraiment au plus près des professionnels pour voir comment ça se passe, les débouchés, les formations, et de voir concrètement ce que ça peut donner dans l'atelier. Alors on va revenir un peu après sur le programme, un peu aussi de ces journées que vous venez déjà d'un peu évoquer. Expliquez-nous déjà un peu le rôle d'une fédération des métiers d'art. Alors le rôle de la FREMA, justement, c'est de rassembler en fait un groupe de professionnels des métiers d'art pour leur donner de la visibilité, pour créer vraiment une synergie et promouvoir les métiers d'art qui sont pas forcément toujours très connus du public. Le rôle de la FREMA, il y a différentes actions qui existent. Ça peut autant être l'organisation de salons, d'expositions pour que les professionnels puissent vendre leurs créations, mais aussi du coup une veille du secteur, de donner des informations à nos membres, d'être conseil soit pour les professionnels, mais aussi par exemple pour les collectivités ou autres qui peuvent rechercher justement un savoir-faire. Et du coup, nous, on est là pour les orienter vers les bons professionnels. Ces journées européennes des métiers d'art, elles vont se dérouler du 9 au 11 avril. Dans un contexte que tout le monde connaît, il y a quand même plus de 110 ateliers qui vont ouvrir leurs portes dans le Grand Est, c'est ça? C'est ça, ouais. On a une bonne centaine d'ateliers qui vont ouvrir. C'est vrai que les autres années, on a également des manifestations de plus grande envergure, des expositions dans des musées. Et cette année, malheureusement, cette partie du programme n'a pas pu aboutir en raison des mesures sanitaires. Mais du coup, on est content vraiment que les ateliers ouverts puissent être maintenus, parce que c'est vrai que c'est un peu le cœur des journées européennes des métiers d'art. C'est comme ça que ça a démarré il y a plus de 15 ans. Donc voilà, c'est les professionnels qui accueillent directement dans les ateliers. Ça représente combien de métiers, tous ces ateliers? Alors en Alsace, on a plus de 30 métiers représentés, donc qui sont très variés. Donc on a des métiers sont déjà assez connus du public, comme des céramistes, des ébénistes, mais aussi des métiers rares, comme par exemple des facteurs d'instruments de musique, que ce soit de la lutherie ou des guitares. On a des imprimeurs en taille douce, des maltiers, des émailleurs sur lave, des calligraphes, des plumassiers, des tisserands. Donc c'est vrai que c'est des métiers qu'on entend peu, qu'on a peu l'occasion d'aborder ou de découvrir. Et du coup, c'est une belle occasion justement de faire de nouvelles découvertes. Voilà, des nouvelles découvertes, de nouvelles vocations aussi, parce que c'est des métiers aussi qui amènent de nouveaux publics. Certains se reconvertissent dans des métiers d'art, donc des métiers qui rajeunissent aussi au fur et à mesure des années. Oui, c'est vrai que là, les métiers d'art ont pris un nouvel essor ces dernières années. D'ailleurs, la FREMA a un dispositif de formation au savoir-faire rare et d'excellence. Donc ça veut dire que quand il n'y a plus de formation classique, par exemple des écoles de céramiste, il y en a plusieurs dans toute la France et même en Alsace, mais il y a des métiers comme justement émailleur sur lave, plumassier, il n'y a pas forcément de formation. Et du coup, donc, la FREMA a créé ce dispositif pour avoir une continuité dans ces métiers avec un duo formateur-stagiaire, donc directement une formation dans l'atelier du formateur, et des cours dispensés à l'école de management de Strasbourg. Et souvent, en fait, ces formations-là aboutissent à des reprises d'ateliers où ils sont embauchés par leurs formateurs. Donc, ça donne de beaux débouchés. Alors, une première découverte, eh bien, c'est d'aller visiter des ateliers. Comment on peut s'organiser? Comment on fait pour y participer? Vous pourrez trouver sur le site de la FREMA, donc www.frema.com, le programme en Alsace à partir du 1er avril. Donc là, on va lister tous les ateliers qui s'ouvrent sur le secteur alsacien, avec les adresses, les horaires, pour qu'il y ait tout sur une même plaquette. Et sinon, directement, le site des Journées européennes des métiers d'art. donc www.journeedesmetiersd'art.fr. Et là, il y a vraiment tous les ateliers qui sont ouverts dans toute la France. Merci beaucoup, Elisa Ekman. Merci beaucoup à vous, Yves. Bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.